Bonjour à tous et à toutes. Bienvenue pour la deuxième saison de Mission Impossible. Pour ceux qui ne nous connaissent pas, Mission Impossible, c'est une émission de vulgarisation scientifique présentée par des élèves de l'ENSIC à Nancy. L'ENSIC, c'est une école d'ingénieurs en génie des procédés située entre le faubourg des Trois Maisons et le parc de la Pépinière. J'imagine que pour un bon nombre d'entre vous, le génie des procédés est une notion inconnue. Mais pour vous expliquer rapidement, il s'agit de l'apprentissage des méthodes permettant d'appliquer à très grandes échelles dans les industries chimiques, des phénomènes observables à l'échelle d'un laboratoire. L'ENSIC est porté vers de nombreux secteurs d'activité, tels que les biotechnologies, les énergies ou encore l'industrie pharmaceutique. Aujourd'hui, on sera accompagné de trois chroniqueurs. Laurie. Bonjour. Thibaut. Salut à tous. Et Thomas. Salut à vous. J'ai entendu dire que Thomas allait aujourd'hui nous parler des cocottes minutes, enfin des autocuiseurs. Bah c'est tout à fait ça. Bon. Attention, ça risque d'exploser je crois, non? Qui n'aime pas manger une bonne raclette en hiver? Bon. C'est vrai qu'en cette saison, c'est assez rare pour certains de ne pas en manger. Et d'ailleurs, bah, moi, j'en ai fait une il y a quelques semaines. Et pendant que je faisais cuire les pommes de terre, bah, mon petit frère, il est venu me demander pourquoi l'autocuiseur, il sifflait. Et j'avoue que, mis à part lui dire que c'était la vapeur qui faisait ça, bah, j'avais pas vraiment d'explication. Donc, bah, quand on sait pas, bah, on se renseigne, comme dirait mon père. Tout d'abord, j'ai une petite question pour vous. Est-ce que vous savez où on a inventé le premier autocuiseur? Où? Pas du tout. J'ai aucune idée. Non. Le lieu, t'attends un lieu précis? Ouais, ou... un pays. Un pays, ah. L'Allemagne. Moi, je dirais la France. Moi, je dirais l'Angleterre. Non, bah c'est en France, en 1679. Donc, ça remonte déjà à un petit moment. Et c'est Denis Papin, donc un physicien français, qui a inventé le premier système. Et franchement, bah, on était déjà quasiment au système actuel. On avait une marmite en fer avec un couvercle qui bloque la pression et une soupape. Bon, pour ce qui est du rôle de la soupape, j'y reviendrai plus tard. Vous l'avez sûrement tous appris à l'école. On dit que l'eau bout à 100 degrés. C'est-à-dire qu'il atteint son point d'ébullition à 100 degrés. Mais la température, elle n'est pas fixe. Ça dépend, bon, déjà forcément du produit qu'on fait bouillir, mais également de la pression. Plus la pression va augmenter, plus la température d'ébullition va aussi augmenter. En général, à Nancy, on a une pression à peu près d'une atmosphère. Bon, un peu moins aujourd'hui parce qu'il ne fait pas très beau. C'est-à-dire à peu près 1,013 bar. Et donc l'eau bout à 100 degrés. Mais au sommet du Mont Blanc, la pression est quasiment deux fois plus faible. Donc l'eau, elle bout qu'à 85, voire même 72 au sommet de l'Everest. Donc forcément, plus on va monter en altitude, plus la pression va baisser, c'est pour ça aussi qu'on a du mal à respirer, et que forcément, bah, la température va aussi diminuer. Mais du coup, ça consiste en quoi vraiment un autocuiseur? Bah, lui, ça va utiliser le système inverse, c'est-à-dire que ça va augmenter la pression jusqu'à quasiment 1,8, voire quasiment 2 bars, donc le double de la pression normale, ce qui va permettre de faire bouillir de l'eau à une température plus élevée, environ 115-120 degrés, voire 125, les machines les plus performantes. Et ça permet de faire une cuisson beaucoup plus utile. Bah forcément, si on cuit des aliments comme des pommes de terre, de la raclette dans de l'eau, dans une casserole, bah à 100 degrés, l'eau s'évapore, puis on risque plus d'avoir grand-chose. On va ainsi pouvoir retarder la cuisson, et vu que la marmite elle est fermée, bah la vapeur chaude va cuire également les aliments. C'est mieux qu'une casserole qui n'aurait pas de couvercle. Donc on chauffe plus, et de manière différente. Et on va revenir à la soupape. La soupape, bah c'est un accessoire qui est constitué d'un trou pour laisser passer la vapeur, et ça sert à réguler, c'est-à-dire à maintenir une certaine pression à l'intérieur de l'appareil. Lorsque la pression ça devient trop important, la soupape s'ouvre pour laisser s'échapper très rapidement de la vapeur afin de diminuer la pression à l'intérieur de l'autocuiseur. Et c'est ce jet de vapeur qui fait siffler l'autocuiseur quand il va sortir. Puis il faut savoir qu'il y en a deux types. Soit le plus classique, c'est juste le poids de la soupape qui va bloquer l'autocuiseur et garder la vapeur, puis lorsque la pression va être trop forte, va s'élever pour laisser sortir, pour diminuer la pression. Soit c'est grâce à un ressort, c'est un peu plus perfectionné à ce moment-là. En plus, ce qui est malin, c'est que pour éviter les accidents de surpression, dans les autocuiseurs modernes, le couvercle il est verrouillé jusqu'à ce que la pression redescende à la pression normale. Bah, ça sera embêtant de se prendre un bon jet de vapeur en sortant les pommes de terre. Et enfin, il faut savoir qu'on possède des systèmes similaires dans l'industrie, afin de retarder l'ébullition de certains produits. On va installer des systèmes qui vont augmenter la pression, et comme garde de sécurité, bah, on va mettre des soupapes, qui vont permettre de ne pas faire exploser le réacteur. Parce que c'est sûr qu'un réacteur qui explose, ça coûte plus cher qu'un petit autocuiseur. Maintenant, bah, quand vous ferez cuire vos aliments, vous saurez qu'il n'y a pas besoin de stresser en entendant le sifflement. Vous ne mettez pas trop la pression. Merci Thomas pour ces explications. Personnellement, je vois toujours mon père utiliser un autocuiseur pour faire à manger, parce que je ne le fais pas quand je suis chez mes parents. Mais je n'ai jamais fait attention à ce phénomène de surpression. C'est fou comment la science est présente partout, même dans notre cuisine. Ensuite, Laurie va maintenant vous présenter le sujet de la désinformation scientifique. Ah là là, je vous raconterai une petite anecdote après. Oui, donc moi, mon idée, elle m'est venue tout simplement. Et oui, on se souvient tous de mon énorme gaffe de la dernière émission avec mon arbre de 750 mètres de haut. Et ben, cette erreur, elle m'a fait réfléchir justement à toutes ces histoires de fake news, en fait, et de désinformation scientifique. Et du coup, c'est de ça que je vais parler aujourd'hui. Et on va essayer de voir ensemble qu'est-ce que c'est, d'où ça vient et surtout comment repérer la désinformation scientifique. Comme ça, vous serez tous plus avisés que moi. Alors déjà, qu'est-ce que c'est la désinformation scientifique ? Alors, la désinformation, ça concerne une information qui est mensongère, qui est fausse. C'est un acte volontaire, au contraire de la mésinformation. Donc la mésinformation, c'est le défaut d'information sans l'intention de mentir ou de nuire. Pour que vous voyez, en gros, c'est ce que j'ai fait moi à la dernière émission. La désinformation, ça s'appuie sur l'ignorance de l'opinion publique, donc soit à des fins politiques, économiques, pour obtenir une réaction de l'opinion ou pour la convaincre. Et souvent, elle porte préjudice aux personnes qui reçoivent la désinformation. C'est souvent des contenus qui imitent des productions journalistiques, donc avec une intention de désinformer, et c'est souvent répandu via les réseaux sociaux. Alors, d'où vient la désinformation et comment elle se développe ? Donc déjà, il y a un sociologue qui s'appelle Gerald Bronner. Il dit que, justement, l'information scientifique, c'est l'une des principales victimes de ce qu'il appelle la dérégulation du marché de l'information. En fait, ça veut dire que grâce aux réseaux sociaux, aujourd'hui, chacun peut exprimer son point de vue, y compris les plus radicaux et les plus marginaux. Et à cause de ça, il y a de nombreuses théories qui émergent sur Internet, et c'est souvent sans aucun fondement scientifique. Et souvent, ces théories, elles jouent sur la peur et le manque de connaissances des internautes. On retrouve parmi les exemples les plus connus de la désinformation, la théorie de la Terre plate, ou encore celle de la Terre creuse. Celle de la Terre creuse, c'est une très vieille théorie qui suppose que la Terre elle a deux ouvertures au pôle et qu'elle dissimule un monde intérieur avec un soleil, des océans et des habitants. Jusque-là, c'est plutôt sympa, mais ça devient plus inquiétant quand ça concerne la question des vaccins, des OGM et du glyphosate et bien d'autres sujets encore. La propagation des fausses nouvelles, comme celle qui rend par exemple le vaccin contre l'hépatite B responsable du développement de la sclérose en plaques, elle fait beaucoup de ravages. Et donc ce sujet, il a interpellé le monde scientifique. Et en 2018, le 11 janvier, il y a de nombreuses sociétés et associations qui se sont réunies, comme par exemple la Société Chimique de France, la Société Informatique de France, etc. Et ils ont organisé une journée intitulée « Comment lutter contre la désinformation scientifique ?» Il en est ressorti 6 critères pour jauger de la crédibilité d'un texte scientifique. D'abord, il y a l'exactitude des faits, c'est-à-dire est-ce que l'article il est construit sur des preuves valides ? Ensuite, il y a la cohérence scientifique, c'est-à-dire c'est pour savoir si les explications données elles s'appuient sur une compréhension correcte des faits dans leur contexte. Le troisième critère, c'est la logique et le raisonnement. C'est ce dont je n'ai visiblement pas fait preuve lors de la dernière émission. Ensuite, on a le quatrième critère, qui est la précision et la clarté. C'est-à-dire est-ce que l'article il est rédigé dans des termes précis, non ambigus et sans approximation. Ensuite, on trouve la qualité des sources et leur crédibilité. Là encore, vous voyez par exemple que moi, j'aurais dû avoir la puce à l'oreille. Et maintenant, le dernier critère, c'est l'objectivité, c'est-à-dire est-ce que l'auteur ne surconsidère pas des sources sans justification. Donc voilà, ce sera tout pour aujourd'hui. Vous avez les petits tips pour justement ne plus se faire avoir par les textes scientifiques. Et donc grâce à cela, vous serez maintenant capable de repérer tous vos textes scientifiques, et moi aussi d'ailleurs. Merci Laurie pour cette chronique. Pour ceux qui n'ont pas suivi la chronique dernière, Laurie, elle nous a gentiment présenté une information sur la hauteur des sapins qui était malheureusement fausse. Je crois que depuis, elle est traumatisée sur ce sujet. Je pense qu'il faut toujours regarder les sources, hein, Laurie ? Oui, c'est vrai. À présent, faisons une petite pause, avant d'écouter notre dernier chroniqueur, Thibaut, qui nous parlera des terres rares. Et écoutons maintenant un des groupes les plus connus au monde, Queen, avec Underground Pressure. Pressure. people on streets. Slashed and torn. Vous êtes de retour sur Radio Fadjet avec l'équipe de Mission Impossible présentée par des élèves de l'ENSIC. Si vous venez tout juste de nous rejoindre, nous avons parlé des autocuiseurs et de la désinformation scientifique. N'hésitez pas à les écouter sur nos réseaux sociaux, Mission Impossible sur Facebook, YouTube et Instagram. À présent, Thibaut va nous parler des terres rares. Bonne écoute. Ouais, mais juste avant de commencer ma chronique, du coup, c'est quelque chose qui m'est venu pendant notre pause là. C'est à propos de la chronique de Laurie. Donc nous, comme Léa l'a dit, on est en école d'ingénieur et on a entre guillemets, la chance de faire des études scientifiques. Et moi, enfin, je pense que c'est aussi votre cas pendant notre cursus d'études. C'est une opportunité parce que nos profs nous ont souvent dit que, bah voilà, fallait faire attention aux ordres de grandeur, typiquement. Je sais pas, quand on doit calculer la longueur de, je sais pas, la longueur d'un arbre, ou la hauteur d'un arbre, ou la longueur d'un réacteur, si on trouve une valeur complètement aberrante, bah, on doit se poser, c'est qu'il y a forcément une erreur quelque part. Il y a forcément des ordres de grandeur. C'est ça. Et du coup, c'est un peu pas une manière de lutter contre les fake news, mais c'est un moyen de, je sais pas, peut-être d'éveiller un peu sa conscience en mode ah là, il y a peut-être quelque chose de louche. Mais voilà, je ne m'appesantis pas plus longtemps sur le sujet et je commence tout de suite avec ma chronique. Donc, je vais vous parler d'un sujet qui, je pense, pour la plupart d'entre vous, est assez méconnu, mais qui pourtant est très très présent dans la vie de tous les jours. Alors oui, comme je vous l'ai dit, étant donné que je fais des études scientifiques, j'en avais déjà entendu parler auparavant, que ce soit concernant son origine ou ses utilisations très variées, et voilà, c'est un thème que j'avais envie de vous présenter parce que c'est quelque chose que je trouve très intéressant. Et je vais vous parler, comme l'a dit Léa, des terres rares. Donc je me tourne vers vous, les chroniqueurs et Léa, est-ce que vous savez ce que c'est? Est-ce que vous en avez déjà entendu un petit peu parler? Moi, vite fait, non, je sais qu'on en a par exemple dans les téléphones, mais après, précisément ce que c'est, non. Moi, j'ai plus une idée par rapport à la classification périodique, un rang dans la classification périodique. Après, je sais que c'est utilisé un peu, oui, dans les téléphones, comme a dit Thomas, et dans plein de choses du quotidien. Ben, moi, je sais juste, j'ai fait des recherches pour cette émission, mais bon, je ne vais pas dire vraiment, parce que sinon, je vais gâcher la chronique de Thibaut. Mais est-ce qu'auparavant, avant de faire tes recherches... Je connaissais, parce que je sais, pour les téléphones, quand ils me disent toujours, ouais, recycler, il y a du lithium et tout le reste, ça, je savais déjà. Après... la provenance, j'en avais aucune idée, je vous mens pas. Eh bien, tout ce que vous m'avez dit est assez juste, qu'a dit Thomas et Léa, notamment sur l'utilisation dans les téléphones, c'est tout à fait vrai. Et ce qu'a dit Laurie, c'est également vrai. En fait, ce qu'a dit Laurie, c'est qu'en gros, c'est le tableau périodique, c'est le tableau qui comporte tous les éléments chimiques qui sont répertoriés. Et en gros, ça désigne le bloc qui est tout en bas de cette classification. Ça s'appelle les lanthanides, mais voilà, je vais pas... c'est pas vraiment le cœur du sujet, mais bon, voilà, ça fait toujours un petit peu de culture. Donc voilà. Donc avant de commencer, il faut savoir que le terme terre rare regroupe 17 métaux qu'on peut retrouver dans des proportions plus ou moins importantes sur Terre. Mais contrairement à leur nom, ces métaux ne sont pas si rares, puisque certains d'entre eux sont par exemple plus présents sur Terre que le cuivre. Et il faut également savoir que c'est quelque chose d'assez récent, puisque la production des terres rares dans le monde s'est intensifiée à partir des années 1940, donc c'est pas si vieux que ça, donc avec voilà, l'amélioration des procédés, etc., la modernisation des installations. Est-ce que vous avez une idée des pays qui produisent le plus de terres rares dans le monde ? Moi, je vais tricher, j'ai regardé sur Internet, donc je vais pas répondre. Ne réponds pas, Léa, s'il te plaît. Merci pour ta neutralité, Léa. Est-ce que ça serait cliché de dire, par exemple, la Chine ? Non, c'est pas du tout cliché. Oui, c'est vrai, c'est pas bête, ça. La Chine, oui. Non, c'est pas du tout un mythe, c'est vrai, il y a la Chine. Bah, en fait, c'est les plus grands pays dans le monde, hein. Il y a la Chine, les États-Unis, il y a également le Canada, l'Australie et, dans une moindre mesure, l'Afrique du Sud, donc qui est un pays émergent, même titre que la Chine, et qui, voilà, qui fait sa petite part, sa petite place dans ce domaine-là. Mais là, je pense que vous commencez à vous demander, mais pourquoi est-ce qu'il nous parle de métaux bizarres ? Je comprends pas, il nous a dit que c'était des trucs super qu'on utilisait partout. On s'en fiche qu'ils soient pas si rares que ça et que voilà, on en trouve plus que le cuivre. J'arrive, ne vous impatientez pas. En fait, un terre rare, c'est un élément qu'on trouve extrêmement dilué dans un minerai. Extrêmement dilué, ça veut dire qu'il est très peu présent dans le minerai. En gros, pour visualiser la situation, vous pouvez imaginer un clafoutis aux cerises dans lequel il y a peu, voire pas de cerises. Et dans ce cas-là, le terre rare correspond aux cerises. Et le minerai correspond au gâteau. Et en fait, l'objectif pour obtenir le terre rare, c'est d'extraire le terre rare du minerai. Donc c'est comme si vous vouliez, entre guillemets, enlever les cerises du gâteau. Et pour cela, il y a trois étapes principales. Dans un premier temps, c'est l'extraction du minerai à ciel ouvert. Donc ça, il faut savoir que c'est une étape très dangereuse parce qu'elle est très polluante, donc notamment pour les travailleurs qui inhalent des substances pas bonnes du tout pour la santé, qui sont très toxiques et très nocives, mais qui sont également très polluantes, donc évidemment nocives pour l'environnement. Ensuite, il y a une étape de broyage du minerai pour obtenir une fine poudre. Donc en gros, c'est comme si vous preniez un comprimé et vous le concassiez pour obtenir une poudre. Et la dernière étape, en fait, c'est une étape de séparation, puisque comme je vous l'ai dit, l'objectif c'est d'obtenir le terre rare et pas le minerai autour. Et du coup, la technique la plus souvent utilisée, c'est une technique de flottation. Donc en fait, c'est que les différents éléments contenus dans le minerai, ils ont des... comment dire ? Il y en a qui sont plus denses que d'autres, il y en a qui sont plus lourds que d'autres, et du coup, les plus lourds vont tomber au fond, tandis que les plus légers resteront en surface. Et c'est comme ça qu'on récolte les terres rares et qu'on les sépare des autres constituants. Et il faut savoir qu'il y a plusieurs techniques de séparation qui peuvent être utilisées, mais celle-ci, c'est la principale. Et un inconvénient majeur, c'est qu'elle nécessite énormément d'eau pour être effectuée efficacement. Donc, comme je vous l'ai dit un peu plus tôt, les terres rares ont un domaine d'utilisation très large. Donc, vous m'avez parlé des téléphones. Est-ce que, du coup, j'imagine que non, parce que vous m'en auriez parlé plus tôt. Est-ce que vous avez une petite idée d'autres domaines d'utilisation ? Moi, je pense aux batteries. Ah, oui. Je crois qu'il y en a dans les batteries des voitures électriques. Il me semble que j'ai entendu ça. Ouais, c'est possible, après. Après, tout ce qui va être composants électroniques, soit tout ce qui est téléphone, télévision, ordinateur, mais après... Mais vous me volez toutes mes réponses, alors moi je peux rien dire après. Attends, il fallait parler en premier. Il fallait prendre le risque. Non. Eh ben, ce que tu m'as dit, Léa, c'est tout à fait vrai. Il y en a dans les batteries de voitures électriques et dans les batteries de voitures hybrides. Il y en a également évidemment dans tous les appareils électroniques, type smartphone, tablette, écran d'ordinateur, portable, et ainsi de suite. Mais là où je suis un petit peu déçu, c'est que vous m'avez pas parlé de tout ce qui touche aux énergies renouvelables. Donc il y en a également dans les panneaux photovoltaïques, il y en a dans les éoliennes. Donc voilà. Et il faut savoir que l'ensemble de ces étapes, donc les étapes qui permettent d'obtenir les terres rares, comme je vous l'ai dit, sont très coûteuses en matière première, en énergie et en eau, mais elles sont également extrêmement polluantes, puisqu'en fait l'obtention d'une tonne de terres rares engendre entre 1300 à 1600 mètres cubes de déchets. Un mètre cube, c'est comme si vous aviez un cube de 1 mètre de largeur sur 1 mètre de profondeur sur 1 mètre de hauteur, et ça représente 1000 litres, un volume de 1000 litres d'eau. Alors... mon objectif n'est pas du tout de vous faire changer radicalement votre manière de penser ou de consommer, mais simplement de vous faire prendre conscience que, par exemple, les énergies renouvelables ne sont pas si vertes que ça, puisque dans les panneaux voltaïques, on retrouve ce genre de substances, dans les éoliennes également, et donc les énergies renouvelables, elles contiennent quand même un grand mais. Et de la même façon, c'est une des raisons pour lesquelles il est important d'éviter la surconsommation de produits de haute technologie comme les téléphones, les tablettes ou encore les ordinateurs, puisque vous imaginez bien que si la demande des clients augmente, c'est-à-dire si les gens achètent de plus en plus, la production augmentera forcément par répercussion. Et évidemment, comme ça nécessite beaucoup de matières premières, d'énergie et d'eau et que c'est source de pollution importante, c'est pas du tout une bonne chose pour la planète au vu de toute la pollution que cela engendre et de l'énergie que cela requiert. Donc il faut surtout aussi bien recycler tous les appareils. Effectivement, mais même le recyclage, bon là j'en parle pas, mais il me semble que le recyclage est également très polluant, mais que la solution la plus efficace, c'est par exemple de pas acheter un téléphone tous les ans, ou de faire un petit peu attention à son... Tous les ans, c'est quand même... Ouais, mais oui, peut-être pas tous les ans, mais tous les ans et demi. C'est aussi la consommation, il y a les nouveaux qui sortent, t'as toujours envie de... Faut pas toujours se faire, entre guillemets, embrigader avec des gros guillemets par les nouveaux produits, et voilà. Faut essayer de un petit peu résister à la tentation, même si, c'est pas toujours évident, on a toujours envie d'avoir le dernier smartphone, le plus beau, le plus performant, et voilà. Merci Thébaud pour cette chronique. Je comprends mieux pourquoi c'est important maintenant de recycler son téléphone. Après cette chronique fort sympathique, reposons-nous en écoutant Natural de Imagine Dragon. On reviendra faire notre petit jeu habituel. A tout de suite! Will you hold the line when every one of them is giving up and giving in? Tell me, in this house of mine, nothing ever comes without a consequence or cost. Tell me, will the stars align? Will heaven step in? Will it save us from our sin? Will it? 'Cause this house of mine stands strong. That's the price you pay. Leave behind your heart. What's happening? Looking through the glass, find the wrong within the past, knowing we are the youth. Caught until the beast, out of world without the peace, face a bit of the truth. Vous êtes de retour sur Radio Fadjet avec l'équipe de Mission Impossible présentée par des élèves de l'ENSIC. Si vous venez de nous rejoindre, nous avons parlé des autocuiseurs, de la désinformation scientifique et des terres rares. N'hésitez pas à les écouter sur nos réseaux sociaux, Mission Impossible sur Facebook, YouTube et Instagram. Donc comme d'habitude, on va commencer un petit jeu. Donc aujourd'hui, j'ai choisi de changer la forme du jeu. On va prendre comme Laurie, info intox ou info. Donc, en gros, dans le sens, il y a certaines informations qui ont été publiées sur Internet. Donc, soit elles sont vraies, soit elles sont fausses. Donc, si elles sont vraies, vous dites info. Si elles sont fausses, vous dites intox. Donc, pour l'instant, je vais vous en dire quelques-unes. Donc, deux et une, avec le thème d'aujourd'hui. Et donc, deux qui n'ont rien à voir. Vous êtes prêts ? Vas-y. D'abord, Léa, je tiens à dire que c'est un coup bas de me faire ça, de faire ce jeu. Un coup bas. Oh là là, direct. Écran mot. Non, mais je le prends pas mal, allez-y. Elle est traumatisée, la peau. Ok, bon, on va faire un test. Donc, en gros, un fan de Justin Bieber, il dépense 70 000 euros en chirurgie esthétique pour lui ressembler. Je m'attendais pas à ça, quand même. Mais ça, c'est sûr que ça arrive, non ? C'est une info ou une intox? Moi je dirais, intox. Quoi? Mais tu penses vraiment qu'il y a... Non, en vrai, il a dépensé 800 000. Loser, Thibaut. Bah, c'était sûr. Non, non, la réponse, c'est vrai, c'est un Américain qui était carrément fan de Justin Bieber. Mais à mon avis, ça doit exister même sur... Il a dépensé combien? 70 000. Ça fait beaucoup. 70 000 euros ou dollars? Bon, c'est vrai, c'est presque pareil. Mais après, le dollar, c'est à peu près le même prix que l'euro. C'est quasiment pareil, ça bouge pas beaucoup. Oui, oui, mais bon, quand même. Du coup, maintenant, je vais vous en dire une autre. Retirer le germe de l'ail, il permet de le rendre plus digestif. Info ou intox? Le germe? Moi, je dirais info. Moi, je dirais intox. Le germe. Info. Eh bien, je veux pas dire, mais Thibaut, t'es vraiment nul aujourd'hui. Je veux pas que j'écoute Thibaut, faut que je mette à l'opposé. C'est intox. Ah, en mais fait, je suis trop fin. C'est faux, on peut retrouver plein d'articles sur internet concernant ce sujet, et rien ne prouve scientifiquement cette affirmation. Bah, je dirais à ma grand-mère qu'elle a faux. Et je me rattrape par rapport à la dernière fois, hein. Je trouve les infos, les intox et tout. Pour une fois. C'est vrai, j'ai en train de devenir la nouvelle Laurie. La nouvelle année. Faut faire attention. Et du coup, pour terminer, en fouillant un peu sur internet, du coup, j'ai préparé l'émission et je me suis renseignée sur vos sujets. Il y avait un article qui m'a tapé sur l'œil. Enfin, oula, tapé dans l'œil. L'article, il disait que les autocuiseurs, ils ne servaient pas à la cuisson des aliments, comme on le pense, mais ils servaient aussi dans le transport de matières nucléaires. Donc, je ne sais pas ce que vous en pensez, vous. Dans le transport. Mais est-ce que tu as plus d'informations? C'est genre comment ça se. Eh bien, en gros, l'article, il disait qu'ils avaient besoin de 4000 autocuiseurs. Quoi? 4000 autocuiseurs? Moi, je dirais que c'est vrai. Pour une centrale? Moi, je dirais que c'est une info. Une info, tu penses? Ça me dit mais qu'est-ce qu'ils feraient avec des autocuiseurs? Mais j'arrive pas. Genre les autocuiseurs du marché, genre? Ou c'est des autocuiseurs spéciaux? Non, du marché. J'étais surprise quand j'ai vu ça. J'arrive pas à imaginer comment tu transportes ça. T'imagines sortir les 4000 autocuiseurs du. Enfin, je sais pas. Je pense qu'ils avaient rien sur eux, ils ont pris ce qu'ils avaient. Ouais, mais ça doit être si compliqué. Pour le transport en plus. Ah ouais, waouh. Parce qu'après, ok, mais tu fais ton transport et tout, mais après, faut les sortir. Enfin, faut les déplacer, quoi, je veux dire. Une fois que t'es arrivé sur site. Moi, j'irais info. Moi, je pense que c'est info, mais c'est bizarre parce que pour moi, les entreprises sont capables de faire leur truc. Ouais, moi, je dirais info aussi. Parce qu'en préparant ma chronique, je me souviens avoir lu un truc par rapport au réacteur nucléaire, mais je ne sais plus si c'était tout à fait ça. Et bien, vous êtes nuls tous les trois. C'est de l'intox. Donc, personnellement, je trouvais ça vraiment absurde et en lisant les commentaires, je me suis rendu compte que les avis étaient assez mitigés. Il s'avère qu'un site internet, il avait posté une publication disant qu'une entreprise nucléaire avait acheté 4000 autocuiseurs pour exercer de la recherche. Et en fait, cette publication a été tellement fausse qu'il s'avère qu'ils utilisent un principe similaire mais adapté aux produits utilisés. En même temps, on ne va pas utiliser le même compartiment pour des patates. Ah oui, on est d'accord. On est d'accord, c'est traquenard. Et pour de l'uranium. On avait bon sur le résultat. C'est des patates radioactives. On avait bon quand même, on avait l'idée. Tu vois. Mais comme quoi, Internet est vraiment rempli d'informations fausses, donc il faut vraiment faire attention quand vous lisez certaines informations. Je ne cite personne ici. J'adore cette émission, c'est incroyable. Je me sens tellement bien. Ne faites pas, encore 3 émissions, on n'en parlera plus. Mais du coup, moi, je vous remercie pour votre attention. Et on se retrouve dans 2 semaines pour de nouvelles aventures. En attendant, si vous avez raté une de nos émissions, n'hésitez surtout pas à nous joindre sur les réseaux sociaux de Mission Impossible. Merci les chroniqueurs, vous avez été parfaits aujourd'hui encore une fois. Oh, merci Léa. Merci, c'est toi Léa qui est parfaite. Je le sais déjà.